matin, j'ai pas les mots, c'est difficile. Les réponses à tes questions, je ne les ai pas. Moi aussi j'ai peur du temps qui file. Et le passé ne nous aide pas. Tant de soirs, on ne se parle pas. On oublie tout, on commence là. Si on disait qu'on a le temps, qu'on rêve encore, pas comme les grands. Si on pensait comme des enfants, qu'on est plus fort, le dire vraiment. Mais je ferai tout pour te retenir, et si tu tombes te soutenir, j'ai dit le meilleur et le pire, je ne jouerai pas. Si on disait qu'on a le temps se retrouver, sans faire semblant, comme avant, comme avant. Des images qui se mélangent dans ma tête. Les nuages qui défilent, tu ne les vois pas. Je te vois la nuit assise à la fenêtre. Quand je t'appelle, tu ne réponds pas. Tant de soirs, on se parle pas. On oublie tout, on recommence là. Si on disait qu'on a le temps, qu'on rêve encore, pas comme les grands. Si on pensait comme des enfants, qu'on est plus fort, le dire vraiment. Je ferai tout pour te retenir, si tu tombes te soutenir. J'ai dit le meilleur et le pire, je ne jouerai pas. Si on disait qu'on a le temps se retrouver, faire semblant comme avant, comme avant. Ce matin j'ai pas les mots, c'est difficile. Les réponses à tes questions, je ne les ai pas.